La conversation scientifique par Étienne Klein. Bonjour à toutes et à tous qui êtes ici très nombreux et à vous autres qui êtes ailleurs encore plus nombreux. Nous sommes en public dans la grande salle du Théâtre de l'Odéon à Paris pour le premier épisode de notre nouveau cycle d'émissions enregistrées en public que nous avons intitulé « Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas ». L'idée qui nous a menés vers ce sujet est assez simple. Elle provient du constat que la connaissance et l'ignorance se tiennent par la barbichette. Ignorer qu'on ignore, c'est de fait ne rien savoir. Tandis que savoir qu'on ignore, c'est vraiment savoir, puisque cela suppose de connaître tout ce qui est déjà établi et d'être capable de détecter ce qui fait encore trou dans la connaissance, de déceler ses manques et ses lacunes. Croire savoir sans savoir, voilà la vraie pathologie du savoir. C'est pourquoi l'ignorance est le grand truc des sachants. Elle est une affaire de spécialistes, d'experts, et non pas d'ignares. Car savoir ignorer, ce n'est pas ignorer le savoir, mais au contraire savoir ce qu'il ne contient pas, et constamment l'inquiéter. En somme, c'est faire, sinon de la science, du moins un peu comme de la science. Alors en compagnie de Léon Bonafé, bonjour Léon qui est à ma gauche, qui nous aidera à réfléchir par des lectures de textes et par ses propres réflexions, nous demanderons à nos invités des prochaines émissions ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas à propos du changement climatique, de la structure et de l'évolution de l'univers, puis du corps humain, et enfin du cerveau et de la conscience, ce qui fait un vaste programme. Mais aujourd'hui, pour commencer ce cycle, nous allons nous demander quelle est la part du vrai et du faux dans ce que propose Internet. Information, intoxication, croyances, faits alternatifs, rumeurs, comment échapper à la manipulation numérique. Nous voulons savoir, dans le poste, toute la vérité sur la post-vérité. Et pour en discuter, j'ai invité Gérald Bronner. Bonjour Gérald Bronner. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris Diderot. Vos travaux portent notamment sur les croyances collectives et les effets qu'a sur elles le contexte culturel. Vous avez par exemple comparé la résistance au darwinisme dans les cultures américaines et françaises. D'autres enquêtes que vous avez menées ont porté sur des sujets aussi divers que les mécanismes d'entrée dans une secte ou la disparition de la croyance au Père Noël chez les plus jeunes, ou encore les processus de radicalisation. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que je viens de dire, c'est surtout l'allusion au Père Noël. Donc, je voudrais savoir comment est-ce qu'on a su qu'on croyait moins au Père Noël, et est-ce qu'on peut l'expliquer ? Alors, oui, en tout cas, on peut expliquer les processus qui conduisent, et c'est assez mystérieux, hein, des jeunes enfants, ça se passe à l'âge de 7 ans, en moyenne. C'est à cet âge qu'on cesse de croire au Père Noël. Alors, j'espère que parmi les auditeurs, il n'y a pas de trop jeunes enfants. Sinon, coupez vite la radio. Et ce qui est assez mystérieux, puisqu'on parle du vrai et du faux, c'est que quand même, dès l'origine, nous sommes collectivement complices pour, en tout cas la plupart d'entre nous, pour tromper nos enfants. Et nos enfants sont confrontés à un complot des adultes contre eux pour leur faire croire qu'il y a une créature, un gros bonhomme certes gentil, qui vivrait au pôle Nord ou sur un nuage, qui se déplacerait par des moyens fantastiques et qui apporterait des cadeaux à condition que les enfants soient gentils. Mais enfin, cette condition, vous avez vu, a un peu disparu dans le monde contemporain. On est de plus en plus permissif avec les enfants. Et ce qui est tout à fait remarquable, et c'est ce qui m'a intéressé, c'est de savoir comment ces jeunes esprits, à 7 ans, c'est quand même assez tôt, arrive à faire preuve d'une forme de pensée méthodique, finalement, avec des hypothèses, avec des tests d'hypothèses, pour se sortir de ce complot des adultes et finalement adhérer à une proposition alternative qui est « c'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux, ce sont les parents ». À toutes sortes de récits, je vous en donne juste un. Mais ce que vous dites là est terrible pour les auditeurs de France Culture qui ont plus de 7 ans et qui croient encore au Père Noël. Ah mais ils s'en trouvent, hein. Ils s'en trouvent. On a pu démontrer que scientifiquement, si le Père Noël existait, il serait déjà mort, hein, parce qu'à la vitesse à laquelle il doit se déplacer partout sur la Terre et que la masse qui est la sienne est ou alors il est quantique. Voilà. Ou alors. C'est, mais si tout est quantique, tout est vrai et faux en même temps. Et voilà. Dans un de ces récits, par exemple, la personne disait ben, le Père Noël, je me suis aperçu tout à coup. En le regardant bien quand il venait, parce qu'il y a des preuves de l'existence du Père Noël, il est là physiquement. Le problème dans ce cas de figure, c'est qu'il avait les chaussures du grand-père. Voilà. Alors on va en venir à cette question du vrai et du faux. Et si je peux me permettre de rappeler une anecdote personnelle, je me souviens avoir lu le 1984 d'Orwell, lorsque j'étais étudiant il y a très longtemps, et d'avoir été frappé de stupeur en découvrant sa description du monde totalitaire. Il montrait en particulier que la vérité y est toujours mise en question. Ce n'est pas seulement que les hommes politiques des régimes totalitaires recourent occasionnellement au mensonge, parce que ça se produit aussi dans la démocratie, c'est plutôt que la distinction même entre vérité et mensonge, entre vérité et fiction, devient superflue dès lors qu'elle est mise en face d'exigences purement pragmatiques d'utilité, d'efficacité ou de convenance. Le critère de la vérité n'est plus sa valeur universelle, mais sa conformité à l'esprit de la race, de la nation ou de la classe. C'est pourquoi dans les régimes totalitaires, explique Orwell, la science n'est plus invulnérable aux attaques idéologiques et la notion d'information objective y perd son sens. L'histoire est réécrite en fonction des besoins du moment et les découvertes de la biologie ou de la physique peuvent être niées, elles aussi, si elles sont jugées inappropriées. Lorsqu'il advient cet état de choses, constitue ce qu'on pourrait appeler le triomphe cognitif du totalitarisme. On ne peut même plus l'accuser de mentir puisqu'il réussit à abroger l'idée même de vérité. Et en fait, on voit bien, enfin, nous voyons tous que dans des démocraties, les mêmes choses peuvent se passer. C'est pas l'apanage des régimes totalitaires. Peuvent se passer aux États-Unis ou chez nous en France, mais surtout aux États-Unis. Et ces événements viennent illustrer la nouvelle fragilité de la vérité scientifique, notamment dans les sociétés démocratiques, sous l'effet conjoint de deux phénomènes. D'une part, il y a le fait que la vérité scientifique peut être victime de ce que Alexandre Coiré, le philosophe, a appelé des conspirations en plein jour. Et puis nous sommes devenus prêts à user de toutes sortes de stratagèmes pour ne pas accorder de crédit à ce que nous savons, surtout si les implications intellectuelles ou pratiques de ces savoirs nous dérangent ou nous chagrinent. Alors Gérald Bonheur, est-ce que vous comprenez cette évolution ? Comment les démocraties ont-elles pu ne pas se protéger davantage contre la propagation du faux ? C'est une question très profonde, parce que je pense effectivement qu'il y a une compatibilité évidente entre, disons, on va dire, le mensonge et le totalitarisme, en général, qui a été bien pointé. On a peut-être moins vu qu'il pouvait aussi y avoir une compatibilité entre les systèmes démocratiques que nous aimons et la diffusion massive de ce qu'on pourrait appeler de la crédulité. Alors en effet, c'est pourquoi j'utilise le terme de démocratie des crédules, qui était aussi considéré un peu comme une provocation à l'époque, mais qui n'en était pas une, parce que je crois qu'en effet, au cœur même de la question démocratique, qui est le fait que chacun, à juste titre, revendique le droit de savoir, qui est une revendication tout à fait légitime, le droit de dire, ce qui est tout à fait légitime, et le droit de participer à la décision. Donc il est évident que la structuration du marché de l'information, dans ces conditions, elle définit le cœur quasiment génétique de la démocratie. Donc toutes les altérations, toutes les perturbations sur ce marché de l'information vont toucher au cœur la démocratie. Et je pense que donc le mal dont nous parlons, il est à la fois profondément démocratique, mais dans notre histoire démocratique, il y a plusieurs potentialités. Il n'y a pas que la démocratie des crédules. Il pourrait y avoir aussi une démocratie de la connaissance. L'histoire, elle n'est pas terminée. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé récemment avec l'élection de Donald Trump, prenons cet exemple un peu tarte à la crème, est tout à fait emblématique, puisqu'on sait qu'une immense majorité des éléments donnés par Donald Trump dans sa campagne, par exemple, étaient faux. C'est démontré aujourd'hui. Je ne sais plus quel pourcentage, mais je crois que c'est 80% de ce qu'il a pu déclarer était faux, ce qui est vraiment inquiétant. Et un autre élément qui explique cela en partie, c'est que Donald Trump a suscité, par les outrances de ses déclarations, beaucoup plus d'attention que sa concurrente Hillary Clinton, y compris dans les régions démocrates, par exemple. Dans les régions républicaines, les déclarations de Trump ont attiré l'attention 12 fois plus que les déclarations de Clinton. Parce qu'à la limite, on peut se dire, bon, ok, ce sont des républicains. Mais le problème, c'est qu'il a attiré aussi 2 fois plus l'attention dans les États démocrates. Donc ça ne veut pas dire la conviction, l'attention. Mais pour emporter la conviction, il faut déjà gagner la bataille de l'attention. Or, ce marché de l'information, parce qu'il est dérégulé notamment avec Internet, il y a beaucoup d'aspects positifs, mais l'aspect négatif, c'est que ceux qui vont attirer notre attention peuvent le faire, pas toujours, mais peuvent le faire aussi par l'outrance. Ça peut être l'outrance politique, ça peut être le populisme, effectivement. Ça peut être, par exemple, le risque, le danger de ce que nous avons dans nos assiettes, etc. Nous sommes devenus des hypochondriaques permanents parce que la moindre alerte, certaines sont fondées, mais toutes ne le sont pas, va attirer notre attention et va constituer donc un bon produit médiatique. Mais Gérald Bonheur, vous avez travaillé sur la radicalisation et la déradicalisation. Donc si je vous dis que je pense que la Terre est plate et que j'ai des très bons arguments pour le croire, ou bien que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, qu'est-ce que vous allez me répondre ? Vous allez me dire simplement « non, c'est faux » ou vous allez travailler autrement ? Alors, il y a deux façons de procéder, effectivement. D'abord, il y a, je crois qu'il y a un travail utile, nécessaire, et qui est fait par beaucoup de gens, de ce qu'on appelle le debunking, c'est-à-dire la démystification. Par exemple, est-ce qu'on n'a pas marché sur la Lune? Est-ce que la Terre est plate? Vous savez qu'il y a une thèse en physique qui a été soutenue en Tunisie récemment en défendant la thèse de la Terre plate. Donc vous voyez, là, on veut dire, tout devient possible, quoi. Hein. Il y a une société de la Terre plate, d'ailleurs, qui était moribonde. Non, des amis de la Terre plate. Des amis de la Terre plate, pardon. Qui était moribonde il y a encore quelques années, et il suffit de regarder un peu sur Internet. Alors on ne sait pas si tout le monde est au premier degré ou si c'est de la blague, mais enfin, on voit des arguments. Alors que faire? Ben, je dirais qu'il ne faut pas laisser la chaise vide. C'est-à-dire qu'il faut contrer évidemment ces arguments. Ça, c'est le premier réflexe. Mais attention, il ne faut pas être dupe du fait que vous n'arriverez pas, par votre contre-argumentation, à convaincre les croyants. C'est même l'inverse qui est vrai. Il y a ce qu'on appelle un effet backfire, c'est-à-dire un contre-feu, en quelque sorte. Quand, ça, c'est des chercheurs en sciences sociales computationnelles, hein, c'est-à-dire des sciences sociales qui s'intéressent à la diffusion des informations, notamment sur Internet, qui ont montré que quand on confrontait des conspirationnistes qui croient aux reptiliens ou qui croient, je sais pas moi, que les attentats de Charlie Hebdo, c'est pas vraiment la version officielle est fausse, que ce serait par exemple les États-Unis, la CIA ou je sais pas quoi, le Mossad qui aurait créé ces attentats, ce qu'on appelle les attentats sous faux drapeau, eh bien quand vous confrontez ces individus à une contre-argumentation serrée, généralement ensuite, ils partagent 30% de plus de liens conspirationnistes. Donc c'est à désespérer. Vous vous dites, bah alors, on fait l'inverse. Et pourquoi le font-ils? Bah probablement parce qu'ils sont atteints dans leur identité de croyant, et en quelque sorte, pour se rassurer, ils vont faire preuve de plus d'activité. C'est quelque chose qui a été assez bien démontré par une théorie qui est dite de la dissonance cognitive qu'avait inventé un psychologue qui s'appelle Festinger. Hein, quand on est confronté à une contradiction de ses croyances, on a tendance, probablement pour se rassurer, en tout cas à court terme, à partager encore plus. Alors vous pourriez me dire, bah du coup, il faut rien dire, il faut laisser faire. Non. Paradoxalement, il ne faut pas laisser faire, parce que ces gens vont sinon grignoter l'espace public. Et un autre enjeu fondamental sur ces questions, c'est ce que j'appelle, disons, les indécis. Ceux qui ne savent pas. Parce qu'on est tous indécis sur plein de sujets, c'est humain. Il y a des tas de sujets sur lesquels on ne sait pas bien. Je sais pas, est-ce que boire du lait, c'est dangereux pour la santé? Les vaccins, est-ce qu'effectivement on a vraiment marché sur la Lune? On peut être troublé, il n'y a pas besoin d'être stupide pour cela. Faut pas confondre crédulité et stupidité. La crédulité, c'est l'endossement d'un certain nombre de propositions intellectuelles qui deviennent en effet virales et qui sont mal vérifiées. Alors pour ces gens-là, il est absolument important et fondamental qu'il y ait une contre-argumentation disponible. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe sur ce marché dérégulé de l'information? Et c'est ce que j'ai pu vérifier, vous pourrez le vérifier même par vous-même. Vous prenez par exemple le moteur de recherche Google, qui est le moteur de recherche qui a une position quasiment monopolistique en France. Hein. C'est oligopolistique, disons que plus de 90% des recherches qui sont faites sur Internet sont faites par le moteur de recherche Google. Et quand on trouve pas avec Google, on prend pas un autre moteur, on change de mot plutôt. Vous voyez, donc il y a vraiment une résistance. Eh bien, si vous regardez par exemple astrologie, monstre du Loch Ness, ou évidemment des théories du complot ou autres, vous tomberez sur une majorité de sites qui développent des arguments en faveur. Par exemple, si vous tapez vaccin danger, par exemple. Une interrogation qu'on peut comprendre. Évidemment, les gens peuvent être inquiets, on n'est pas tous techniciens de ces questions. Eh bien, vous trouverez une majorité de sites qui défendent des thèses, et souvent avec des arguments troublants, convaincants. Et ce qui fait que, par exemple, pour reprendre l'exemple des vaccins, qui à mon avis est un exemple très inquiétant, on avait 9% de gens, de Français, de nos concitoyens qui se méfiaient des vaccins au début des années 2000, ce qui est déjà important. Ils sont aujourd'hui plus de 40%, n'est-ce pas? Ce qui pose des vrais problèmes, évidemment, en termes de santé publique, car vous savez, c'est le cas notamment de la rougeole qu'on voit ressurgir ici ou là. S'il n'y a pas plus de 90% ou 95% de la couverture vaccinale, ces maladies ressurgissent avec des dangers mortels pour les enfants. Donc, si je comprends bien, tout le monde parle et ne dit pas la même chose, et tout le monde revendique le droit de parler, ce qui fait une certaine cacophonie. Et je crois que Léon a un petit texte pour l'illustrer. Oui, pour commencer et pour aider tout le monde à y voir un peu plus clair, je voulais vous proposer finalement un petit recensement. Mais quelle langue parlent donc tous ces agités du buccal? Le bousin à tue-tête, le compulsif non-stop, le désinvolte aura des pâquerettes, l'infatué maison, le mésigue dithyrambique, le je dis ça, je dis rien, le pisse-froid pinailleur, le cul béni qui vous colle au basque, l'auto-satisfait blasé, l'élu local neuneux, le négocié à la cosaque, le bout de gras à rallonge, le sociolecte expliqué aux enfants, le pincé mandarinal, le lyrique palichon, l'obscène jaculatoire, l'amoroso tout feu tout flamme, le branquignol marlou, le larmoyant dans le giron, la fine fleur en nettement moins fleurie, Le simplet nationaliste, l'expert en toute matière, le lèche-botte sans honte, l'imbu sur son petit nuage, le nouveau riche en oméga-3, le souverain poncif, le puant bien fait, le plutôt tarte, le perfectionniste teigneux, le skisparle vintage, le mariole haut en couleur, le bébé en version originale, le poissard de guinguette, l'à peu près au sommet de son art. Celui-là, je le connais. Ah, peut-être ouais. Qu'il est présent aujourd'hui, d'ailleurs. Mais il doit y en avoir d'autres. Le pâteau bec dans l'eau, le fort en thème et en bas de case, le landerneau jour de marché, le soutenu d'excellence. Quelle langue parle-t-il ? Mais peu importe, pourvu qu'elle nous porte à écrire. Entre humour, amour, désir, pétoche et parodie. Juste pour dire, c'est un texte de Jean-Pierre Verhaeghen qui s'appelle « L'éloge de Babel ». Alors revenons à Trump, puisque vous avez parlé de son élection et à ce concept qu'on appelle la post-vérité. Alors ce terme est apparu en France à ce moment-là, mais il est plus ancien, il date de 1992. Il a été proposé par un réfugié yougoslave qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Steve Tesich, au lendemain de la guerre du Golfe, dans un pamphlet intitulé « The Wimping of America », la déroute de l'Amérique. Et son constat était que le peuple américain, après les mensonges de Nixon pendant la guerre du Vietnam et après ceux de la guerre du Golfe, en était venu à avoir peur de la vérité, toujours associée aux mauvaises nouvelles. Et ce que demande, d'après lui, en tout cas c'est la thèse qu'il défend dans ce pamphlet, c'est que le peuple américain demande à son gouvernement, explique qu'il ne veut plus de mauvaises nouvelles, et demande au gouvernement de le protéger de la vérité. Alors si on prend un petit extrait de ce petit livre, on s'aperçoit qu'il s'inspire de Orwell, mais il va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il ne confond pas la fin de la vérité et le mensonge totalitaire. Il dit ceci, « Tous les dictateurs, jusqu'à ce jour, ont travaillé à supprimer la vérité. Nous, par notre action, nous les Américains, affirmons que ce n'est plus nécessaire. Nous avons acquis un mécanisme spirituel qui peut priver la vérité de toute importance. En tant que peuple libre, nous avons librement décidé que nous voulions vivre dans un monde d'après la vérité. Dans ce monde, nous sommes dorénavant privés de critères par lesquels nous pouvons évaluer les choses, de sorte que nous choisissons de voir la vertu dans la banalité. C'est tellement nul que c'est bien. Nous appliquons cette philosophie à tous les aspects de notre vie. » Et donc, il y a, fin de citation, je ferme les guillemets, il se distingue d'Orwell par le fait que dans cette affaire, il n'y a aucune coercition. À l'opposé des régimes totalitaires. Ça se fait tout seul. Alors qu'est-ce qui fait que, brutalement, la vérité, qui était pourtant un socle pour avancer ensemble, en fait, est devenue quelque chose qu'il faut craindre ? C'est assez fascinant, effectivement. D'abord, je pense qu'il faut distinguer peut-être plus fermement certaines situations. Psychologiquement, c'est assez crédible d'imaginer quelquefois, non pas le désir du mensonge, mais le désir du mensonge par omission. On s'est tous retrouvés dans cette situation où, dans l'absolu, on préfère ne pas savoir, ce qui ne veut pas dire qu'on ait envie qu'on nous mente. C'est pas la même chose. Vous voyez, le mensonge par omission, c'est-à-dire l'absence d'information, on peut en effet se mettre dans des situations où on préfère être dans un endroit où il y a une absence d'information, si cette information peut nous blesser ou nous inquiéter. Mais ce qui est profondément vrai, c'est que, évidemment, il ne faut pas baisser la garde et sous-estimer la capacité du pouvoir, pris dans son sens métaphorique, quel qu'il soit, pouvoir politique, industriel, publicitaire, médiatique, bien sûr, à nous tromper. Cela existe toujours. J'en parle peu, d'ailleurs, dans mes travaux, ça m'est quelquefois reproché, non pas parce que je sous-estime cette capacité des choses, mais c'est parce que je pense qu'elle est facilement élucidable d'un point de vue intellectuel. Il n'y a pas de mystère particulier, éventuellement un combat qu'on peut mener contre les tentatives de manipulation. Mais ce qui nécessite l'élucidation intellectuelle du sociologue que je suis, c'est quand il y a une forme de soumission, en quelque sorte, librement consentie et des constructions monstrueuses et collectives qui sont créées par nos attentes personnelles. En fait, je pense, et souvent d'ailleurs, les sociologues quelquefois perdent cela de vue, beaucoup de phénomènes sociaux sont bien créés par des intentions individuelles, mais n'aboutissent pas à un phénomène qui est souhaité par les gens. Je vais prendre l'exemple de l'embouteillage, tout simplement. L'embouteillage est la conséquence d'un certain nombre d'intentions individuelles, la volonté de rentrer chez soi le plus vite possible, éventuellement à la même heure. Et cela produit un phénomène social qui n'est évidemment pas désiré par les individus. Je dirais qu'un certain nombre de processus qui se produisent dans la société ne sont pas liés à une intentionnalité collective. Le drame, c'est de croire qu'il y a une intentionnalité collective derrière, parce qu'alors là, la lecture sociale se rapproche dangereusement d'une pensée conspirationniste. bien que quelquefois il y ait des intentions, évidemment, collectives. Alors, sur le marché de l'information, ce qui se produit, ce sont souvent, et c'est en cela que la vérité est concurrencée par ce qu'on appelle les fake news ou les faits alternatifs, ou c'est-à-dire les propositions qui peuvent être douteuses ou fausses, parce que les propositions qui sont douteuses et fausses sur un marché dérégulé vont se déployer beaucoup plus facilement que certaines propositions qui relèvent du vrai et de la méthode, mais qui sont plus coûteuses intellectuellement. Alors, on va y revenir, mais en fait, Anna Arendt, par exemple, parlait d'un despotisme du vrai. C'est-à-dire que, en démocratie, personne ne peut contester la vérité du terme de Pythagore. C'est à se demander dans certaines circonstances. Oui, justement, et la post-vérité, on a l'impression que c'est pas du tout un despotisme, c'est au contraire quelque chose qui nous protège contre le despotisme du vrai. C'est-à-dire, on a le droit de ne pas accepter la vérité. On a le droit, mais effectivement, comme Arendt, on aurait pu croire pendant un temps, ou même comme Descartes d'ailleurs, on aurait pu croire pendant un temps que la vérité constituée ne pouvait pas trouver de ressources intellectuelles pour la contredire, en quelque sorte. Et ce que l'on est en train d'apprendre dans ce qu'on appelle la société post-vérité, j'aime pas tellement ce terme en fait, mais utilisons-le puisqu'il est très populaire, ce que l'on est en train de découvrir, c'est toutes les ressources du faux pour trouver des argumentations convaincantes. Y compris, par exemple, des histoires de terre plate, qui normalement auraient suscité l'hilarité chez tout le monde il y a une dizaine, quinzaine d'années. C'est quoi l'argument, par exemple? Alors je ne suis pas spécialiste de ces questions, mais il y a des sites entiers qui s'appellent les platistes, hein, ils s'autodésignent comme les platistes, et alors ils raisonnent sur les saisons, sur le décalage horaire, etc. Ils trouvent des explications à toute chose, et je pense que lorsqu'on n'a pas la contre-argumentation, on ne devient pas platiste, mais en tout cas, on se tait. C'est-à-dire qu'en même temps, ces formes d'argumentation qu'on trouve sur Internet et qui sont particulièrement tangibles, par exemple chez les conspirationnistes, ça j'ai pu le montrer par plusieurs travaux, c'est ce que j'appelle des millefeuilles argumentatifs, c'est-à-dire des assemblages argumentatifs qui sont complètement intimidants. Par exemple, pour Charlie Hebdo, que j'évoquais tout à l'heure, vous n'avez pas pu passer à côté du fait qu'après ces attentats, il y a eu beaucoup de théories du complot qui ont été générées. Et j'ai pu mesurer que 4 jours après les attentats, dès le 11 janvier donc, il y avait déjà plus de 100 arguments différents en faveur de la théorie du complot. Certains étaient complètement loufoques, mais l'ensemble forme, si vous voulez, une intimidation argumentative pour deux raisons. La première, c'est que on se dit « tout n'est peut-être pas faux », et il suffit qu'un argument soit vrai pour douter de la vérité. Et la deuxième, c'est que si vous n'avez pas autant de temps à consacrer que les conspirationnistes à ce type de proposition intellectuelle, bah vous gardez le silence. Vous vous dites, c'est n'importe quoi, vous haussez les épaules, mais en fait, vous n'allez pas porter la contradiction. Et peu à peu, bah la chaise vide, je vous l'expliquais tout à l'heure, crée une contamination de l'espace public par des gens qui sont ultra motivés. C'est un peu ça aussi, la démocratie, c'est aussi parfois la tyrannie des minorités. Mais c'est pas Trump qui a inventé la post-vérité, donc il y a eu un terreau intellectuel qui l'a rendu possible, ou politique. Alors, qui a préparé le terrain? Qui a fait le lit de la post-vérité? Est-ce que ce sont les philosophes, ceux qui ont fait la déconstruction, comme on dit? Derrida, par exemple, dit quelque part, la vérité, c'est en son nom maudit que nous nous sommes perdus. Donc c'est la vérité qui nous perd. Donc là, on ouvre une porte. Ouais. Ou est-ce que ce sont les sociologues des sciences qui disent que la science n'a pas un rapport particulier avec la vérité, elle s'est imposée par des effets de monopole ou d'autorité? Et finalement, la physique en dirait beaucoup plus sur les physiciens que sur la nature. Oui, vous avez raison. En fait, le phénomène dont on parle est tellement massif qu'il est nécessairement multifactoriel. La dérégulation du marché de l'information que j'ai évoquée est un facteur évidemment central pour expliquer l'état dans lequel nous sommes, mais sans doute cet état a été préparé par un certain nombre de propositions intellectuelles. Je cite par exemple deux de vos collègues. Allez-y, ça Stephen Chapin et Simon Schaeffer. En reconnaissant le caractère conventionnel et artificiel de nos connaissances scientifiques, nous ne pouvons faire autrement que de réaliser que c'est nous-mêmes, et non la réalité, qui sommes à l'origine de ce que nous savons. Oui. Alors effectivement, si vous voulez, une partie seulement, attention, de la sociologie des sciences, une partie des sciences humaines et sociales est, on va dire, constructiviste et relativiste, c'est-à-dire qu'elle considère que, finalement, et le début, c'est souvent comme ça avec les idéologies, vous savez, la prémisse est acceptable et assez logique, mais poussée jusqu'à son régime inconditionnel, elle aboutit à des conclusions absurdes. Par exemple, il est vrai que la science est une construction sociale. Ce sont des hommes qui la font, ils ont une éducation, il y a un milieu social qui sélectionne les idées. Mais il est douteux d'imaginer, par exemple, que effectivement la valeur de pi ou je sais pas l'existence de micro-organismes, par exemple, est une construction sociale. Il est vrai que ce type de phénomène a été découvert à un moment de la vie sociale, et il est vrai que ceux qui ont fait cette découverte, prenons Pasteur par exemple, hein, puisque c'est la controverse entre Pasteur et Pouchet sur la génération spontanée, est un des thèmes qu'adorent les sociologues des sciences, en particulier Bruno Latour, pourquoi ne pas le mentionner. Et la question est de savoir s'il y a un environnement social qui explique cette découverte. Bien entendu que Pasteur était dans un réseau social, qu'il était traversé sans doute par des compulsions idéologiques, etc. Pareil pour Einstein en 1905, mais à Berne. Mais pour nous tous, mais ce qu'oublie fondamentalement, en fait, et c'est ça le drame peut-être des constructivistes et des relativistes, ce qu'ils oublient, c'est que oui, nous sommes tous traversés par des compulsions idéologiques, nous avons une position dans l'espace social qui éclaire une partie des découvertes, par exemple, mais la science, c'est surtout un processus collectif de sélection des idées. Et donc, si l'idée de Pasteur qu'il n'y a pas de génération spontanée, c'est imposé plutôt que celle de Pouchet, c'est pas en raison de son pouvoir, de ses réseaux, etc. Ça, c'est peut-être vrai à très court terme, mais sur le moyen ou sur le long terme, la science et précisément les méthodes de la science, de mon point de vue en tout cas, c'est ce qui permet en quelque sorte de désincarcérer les propositions intellectuelles qu'elle fait du contexte politique et culturel. En d'autres termes, une loi scientifique est vraie pour nous Français, elle est vraie aussi pour des Chinois, elle est vraie pour des individus qui n'ont pas du tout la même culture que la nôtre. Et il faut faire très attention à cela, parce qu'on voit, on l'a vu beaucoup dans les années 70, mais on voit ressurgir aujourd'hui le fait qu'il existerait une science, par exemple, bourgeoise, ou une science prolétaire, ça a été l'affaire Lysenko, par exemple. Et aujourd'hui, on commence à parler, dans certains milieux, y compris sociologiques, alors de sciences qui auraient des couleurs de peau, vous voyez, des sciences racisées, etc. Je pense que là, c'est une négation même de la belle utopie universaliste que représente la science. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors venons-en à Internet plus spécifiquement, qui est le sujet de notre discussion. Est-ce que c'est vraiment le lieu de superposition quantique entre le vrai et le faux ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver toutes les thèses en même temps quand on fait une recherche sur Internet ? Ou est-ce que la façon de rechercher de l'information nous met d'emblée dans une sorte de tunnel qui nous fera découvrir que les choses qu'on croit déjà ? Et voilà, c'est un point très important, parce qu'il faut bien distinguer la disponibilité de l'information. Alors, pour répondre à la première partie de votre question, Étienne Klein, effectivement, toutes les informations sont disponibles sur Internet, ou presque. Je pense que presque toute la connaissance humaine... D'où l'utopie qu'il y avait au départ, qu'Internet serait un moyen de diffusion de la connaissance universelle. Absolument. Il faut se souvenir de cela. Par exemple, prenez le grand rapport de l'UNESCO en 2002, hein, la société de la connaissance, misée grâce au développement d'Internet, à une forme de démocratisation de la connaissance, d'accès à tous à l'information. Et ça, c'est bien vrai. Nous avons tous, plus ou moins, accès à l'information. Ça, c'est formidable. Seulement, il y a une erreur de raisonnement. C'est pas parce que l'information est disponible que dans vos recherches, vous allez accéder à l'information la plus valable. C'est même le contraire qui est vrai dans certains cas, puisque, en effet, d'une part, j'ai dit que la disponibilité de cette information, elle dépend des algorithmes à l'intérieur des moteurs de recherche, hein, et on a vu que ces algorithmes sont impactés par l'activisme d'un certain nombre de groupes qui sont très motivés à faire valoir leur point de vue. Donc, en fait, les plus radicaux, les plus motivés font valoir leur point de vue et rendent visible leur point de vue. N'est-ce pas ? Et alors qu'il y a une apathie de la plupart de nos concitoyens qui n'ont pas que ça à faire d'aller se battre sur Internet, alors on le fait tous un peu, mais grosso modo, cela donne une confusion permanente entre la visibilité des points de vue et la représentativité des points de vue. Bon. Et le deuxième point qui est non moins important, et ça c'est particulièrement vrai pour les réseaux sociaux, mais pas que les réseaux sociaux, c'est que nous sommes enfermés dans ce qu'on appelle des bulles de filtrage. C'est-à-dire des chambres d'écho. De quoi s'agit-il ? Si vous avez, je peux citer quelques marques ici, c'est peut-être pas dérangeant, si vous allez sur Amazon, par exemple, ou Netflix, ou etc., vos achats précédents vont conditionner ce que ces sites vont mettre en avant. Mais c'est pas pour vous nuire, n'allons pas voir un complot là-dedans ou je sais pas quoi, c'est simplement pour vendre plus, parce que vous avez plus de probabilité de chance d'acheter un livre qu'on vous propose qui ressemble à au moins dans ses thématiques à ce que vous aimez bien. Voilà. Et donc là aussi, on retombe sur le thème de tout à l'heure, c'est-à-dire que personne ne le veut en particulier, il n'y a pas un complot contre la vérité pour vous enfermer dans des chambres d'écho. Et ben c'est la même chose sur Facebook. Vous aurez tendance à voir, si vous avez 3000 amis par exemple, vous pouvez pas tout voir. Donc vous allez voir prioritairement les autres profils que vous avez tendance à liker ou qui vous likent, vous, avec lesquels vous avez beaucoup d'interactions. En d'autres termes, des gens avec qui vous êtes d'accord. Et c'est comme ça que, peu à peu, dans cet océan d'informations, on constitue des positions d'insularité cognitive. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été vrai? Et même pire, avant, les gens qui lisaient l'Humanité ne lisaient pas le Figaro. Ça a toujours été vrai. Et réciproquement. Et quand on est sur Internet, on est peut-être plus confronté à l'avis de l'autre, même quand on ne le cherche pas, que dans la lecture de journaux très typés. Alors là, on peut répondre assez fermement non. Ça a toujours été vrai. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est vrai que si vous êtes de gauche, vous allez plutôt lire tel journal. De droite, vous avez tendance à lire plutôt tel journal. On entend persuader qu'on raconte que des bêtises dans les journaux du camp adverse, bien entendu. Ça, c'est le biais de confirmation. C'est-à-dire la tendance que nous avons tous à aller chercher des informations qui vont plutôt dans le sens de nos représentations préalables. Et c'est un puissant agent de diffusion de la crédulité, évidemment. On est tous comme ça. Mais il a été montré que Internet amplifie par la consultation des blogs politiques, il y a eu des papiers assez intéressants sur ce point, par l'achat de livres sur Amazon, en fait, le dispositif Internet amplifie le biais de confirmation. Et ça, ça a été aussi montré massivement par les travaux de Walter Quattrocecchi en Italie, hein, sur les réseaux. Je vous donnais un exemple d'activisme, de tyrannie des minorités. Par exemple, Walter Quattrocecchi et son équipe a montré que sur Facebook, il y avait environ 3 fois plus de partage de liens conspirationnistes que de liens favorables à la science, de l'orthodoxie de la science. Ça ne veut pas dire qu'ils sont 3 fois plus nombreux. Ça veut dire qu'ils sont au moins 3 fois plus actifs. Donc les traces qu'ils laissent sont plus visibles. Donc si vous êtes dans un champ absolument neutre, que vous vous promenez dans ce paysage, ben vous allez rencontrer des propositions intellectuelles beaucoup plus fréquemment dans un sens que dans l'autre. Ça veut dire qu'on peut détruire l'idée de vérité sans jamais vouloir mentir. Absolument. D'ailleurs, je suis persuadé que, n'oubliez pas que, par exemple, les conspirationnistes dont on parle se désignent eux-mêmes comme des chercheurs de vérité. Hein, la plupart du temps, vous avez un site comme, je ne sais pas s'il faut le citer d'ailleurs, mais enfin bon, Stop Mensonge, c'est assez drôle hein, quand on... le site s'appelle Stop Mensonge, je vous invite à aller voir, vous verrez bien. Est-ce que c'est vrai? Non, mais il y a des choses totalement hallucinantes, hein, et je ne veux pas trop citer de sites parce que précisément ça leur fait de la publicité en réalité. Et alors c'est très drôle parce qu'ils s'autodésignent eux-mêmes comme des sites de réinformation. Hein, ils se désignent comme ça, réinformation. C'est-à-dire qu'on mentirait massivement dans l'espace public. C'est vrai que parfois il y a des mensonges dans les médias ou des erreurs plus précisément et parfois des mensonges. Mais alors là, de là à dire que vous allez bien vous informer en allant sur ces sites-là, eh bien c'est le problème. Et c'est évidemment une source d'inquiétude, notamment pour les jeunes esprits. Hein, c'est pour les adolescents, etc. Ceux qui croient au Père Noël. Alors ceux qui ont cessé de croire au Père Noël, mais qui aimeraient bien quand même croire en quelque chose. Voilà, c'était qui n'ont pas encore fait tout à fait le deuil. Un avatar du Père Noël. Ouais, une sorte d'avatar. Léon Bonafé, vous avez sûrement un petit texte sur le mensonge. Oui, un texte d'un poète turc qui s'appelle Nazım Hikmet et qui a été qui est un poète du début du XXe siècle et qui fait partie de ces gens qui justement n'ont jamais cessé de se battre. Il a été beaucoup emprisonné, mais il a toujours continué à écrire et à défendre ce en quoi il croyait. C'est-à-dire même il était communiste, mais il a écrit contre Staline. Il s'est jamais empêché de quoi que ce soit. Et là, c'est un texte de lui qui s'appelle Nos mains et le mensonge. Ah les hommes, nos hommes à nous, on vous nourrit de mensonges, alors qu'affamés, il vous faut du pain, de la viande. Vous quittez ce monde aux branches lourdes de fruits sans avoir mangé une seule fois sur une nappe blanche. Ah les hommes, nos hommes à nous, surtout ceux d'Asie, d'Afrique, du Moyen et du Proche-Orient, des îles du Pacifique et ceux de mon pays, c'est-à-dire plus de 70% des hommes. Vous êtes indifférent, vous êtes vieux comme vos mains, vous êtes curieux, admiratif, vous êtes jeune comme vos mains. Ah, les hommes, nos hommes à nous, mon frère d'Europe ou d'Amérique, tu es alerte, tu es audacieux, et tu oublies vite comme tes mains, et tu te laisses abuser comme tes mains, tu te laisses vite avoir. Ah, les hommes, nos hommes à nous, si elles mentent les antennes, si elles mentent les rotatives, s'ils mentent les livres, s'ils mentent l'affiche, l'avis sur la colonne, si elles mentent sur l'écran les jambes nues des filles, si la prière ment, si elle ment la berceuse, s'il ment le rêve, s'il ment le violoniste dans le cabaret, s'il ment le clair de lune dans les nuits de nos jours désespérés, si elle ment la voix, si elle ment la parole, si tout le monde et toutes les choses mentent, à l'exception de vos mains, c'est pour qu'elles soient dociles comme l'argile, aveugles comme les ténèbres, idiotes comme le chien du berger, et pour que ne se révoltent pas vos mains, Et pour que ne finisse pas cette tyrannie, ce règne du trafiquant, en ce monde où la mort nous attend, en ce monde où il ferait si bon vivre. Merci, Laurent Bonnafé. Ça vous inspire une réflexion, Gérald Bronner ? Oh non, je crois qu'il faut se taire parfois. Alors, à vous écouter, on a l'impression que la crédulité a des pouvoirs renforcés aujourd'hui par rapport au passé. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a des zones où il y a quelques améliorations qui sont perceptibles. Par exemple, si un homme politiquement à la télévision, lors d'un débat, eh bien, ça peut être rapidement dénoncé sur Twitter ou sur d'autres réseaux. Et donc, la possibilité de dire des mensonges énorme sans que ces mensonges soient dénoncés devient très faible. Mais absolument. On se souvient par exemple des prétentions de Nicolas Sarkozy, je donne un exemple parmi d'autres, à avoir été sur le mur de Berlin ou près du mur de Berlin au moment de sa destruction. Et effectivement, en quelques heures, grâce à l'activité en essaim comme ça sur Twitter ou je sais pas quel réseau social, on a un peu, ils ont éventé cette prétention. C'était pas bien méchant, mais peu importe. Et vous avez parfaitement raison. C'est un peu le paradoxe de la transparence en quelque sorte. C'est-à-dire toute une série d'informations qui étaient discrètes ou qui restaient dans le domaine privé et qui permettaient toutes sortes de mensonges, notamment politiques. Eh bien, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile parce qu'effectivement les choses ressortent. Et puis en plus il y a une hypermnésie du réseau social. Si par mégarde vous avez tweeté quelque chose de pas très clair il y a 5-6 ans, si vous n'avez pas effacé votre tweet, ça va ressurgir immédiatement. Donc il y a une hypermnésie du réseau. Donc en réalité, il devient probablement de plus en plus difficile, même si ça n'empêche pas un certain nombre de candidats tout de même de le faire, de candidats au mensonge, il devient en toute probabilité beaucoup plus difficile de mentir sans voir son mensonge éventé. Donc je suppose qu'un certain nombre d'individus, non pas par vertu, mais par stratégie, essayent, plus qu'avant, d'éviter de mentir, je le suppose. Et pourtant, nous avons la conviction, de plus en plus fort, que, par exemple, les hommes politiques nous mentent, et s'ils sont globalement corrompus. On a 70 à 80%, par exemple, des Français qui croient que le monde politique est globalement corrompu. Ce qui a fait beaucoup, quand même, Et c'est inquiétant, évidemment, quand on est en démocratie. Et ben, c'est ça le paradoxe de la transparence. C'est qu'en fait, toute tentative de manipulation, et elles existent, bien entendu, sont, pas toutes, mais beaucoup sont éventées. Alors, auparavant, elles étaient invisibles, on ne les connaissait pas. Et comme on les connaît, on a proportionnellement l'impression qu'on nous ment plus. Vous voyez, la transparence à laquelle j'aspire, bien entendu, qui me semble être une avancée démocratique, peut aussi avoir des effets pervers. Et d'ailleurs, ça a été montré, vous savez, quand on a demandé à Tony Blair quelle était sa plus grande erreur quand il a quitté le pouvoir, on aurait pu croire que c'était cette histoire d'armes de destruction massive et de guerre. Voilà un autre mensonge intéressant. Et de guerre en Irak, mais c'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit que ce qu'il regrettait le plus, c'est d'avoir fait voter la loi FOI, qui est une loi d'information, de liberté d'accès à l'information. Et il y a des collègues qui ont travaillé, donc c'est en fait une loi de transparence, comment on dépense l'argent public pour faire ceci, pour faire cela, ce qui est quelque chose de tout à fait légitime en démocratie, on a le droit de savoir à quoi utiliser l'argent public, sauf que, mécaniquement, ça a généré beaucoup plus d'articles dans la presse, de suspicions, à l'endroit de la décision politique. Pardon. Ah bon, on utilise tant de milliers d'euros ou de livres sterling pour de papier toilette ? Oui, c'est pas normal. Ou prenez ce qui s'est passé pour le coiffeur de François Hollande ou je ne sais quel maquilleur. Mais évidemment, tout cela devient public et nous indigne facilement. C'est pas, sans aucune comparaison avec le passé, et cela alimente en quelque sorte la suspicion généralisée qui n'est pas parfois sans fondement, mais qui peut, il faut surtout pas le négliger, tout de même fragiliser les fondements de notre démocratie et appeler par exemple des votes populistes, des votes de revanche. Vous voyez, il y a une volonté, il y a un ressentiment qui est très fort dans les peuples démocratiques actuels, et je pense que l'élection de Donald Trump en est un des symptômes purulents. Ce ressentiment, prenons garde à ce qu'il ne s'incarne pas tout de même dans des options politiques que nous ne souhaitons pas vraiment. Alors si j'en reviens à votre livre « La démocratie des crédules », j'ai l'impression que quand il s'agit d'une information, ce qui compte, c'est pas tellement qu'elle soit vraie de par elle-même, c'est le nombre de personnes qui la considèrent comme vraie. Oui. Est-ce que ça, c'est un mécanisme qui est scientifiquement établi ? Là, je parle de la sociologie comme une science. Et si c'est bien vrai, si c'est bien vrai que les choses se passent ainsi, comment est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer la situation ? C'est-à-dire que les idées ou les informations qui sont vraiment vraies soient plus crues par ceux qui les entendent ? Oui, il y a quelque chose de très profondément ancré dans notre humanité. Et là, effectivement, il y a beaucoup de données scientifiques qui le montrent, ce qu'on appelle les effets de cascade. En d'autres termes, l'évaluation de la vérité d'un énoncé est en partie liée à le nombre de personnes qui le partagent, la majorité, ou le sentiment en tout cas, que beaucoup de personnes autour de vous partage cette idée. C'est assez d'ailleurs logique du point de vue, je dirais, de notre développement, parce que c'est une stratégie très économique pour vérifier une information. Par exemple, si vous cherchez le stade de foot dans un quartier que vous ne connaissez pas, et que vous voyez des milliers de personnes converger avec des écharpes colorées vers un lieu, voyez, c'est ça un effet de cascade, c'est pas forcément irrationnel. Du coup, vous pouvez vous dire, il possède sans doute une information que je n'ai pas. Et donc la convergence cognitive vers un énoncé, c'est quelque chose qui est presque de l'ordre du réflexe mental. Mais vous avez raison, sur un marché de l'information dérégulé, où il y a des tyrannies de minorité qui justement attisent notre attention vers tel type ou tel autre type d'information, nous devons prendre garde à cela, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'une information est likée 1000 fois ou partagée 1000 fois qu'elle est vraie, bien entendu. Alors que faire? C'est très difficile de réguler ce marché de l'information, parce qu'en fait, on parle de ça. Hein. Avant, ce marché de l'information, il était régulé par ceux qu'on appelait en théorie de la communication des gatekeepers, des journalistes, des politiques, des universitaires comme nous, ou des chercheurs. On était considérés comme légitimes à prendre la parole sur l'espace public. C'est pas très juste, c'est pas très démocratique. Sinon, cette dérégulation qui fait que chacun peut prendre la parole, effectivement, elle peut avoir des effets pervers. C'est une forme de ultra-libéralisme, si vous voulez, sur le marché de l'information. Alors, le marché a plein de vertus, mais il a aussi des effets pervers. Alors, comment réguler sans nuire aux libertés publiques? C'est ça la question. Comment promulguer des lois qui soient pas liberticides? On va pas interdire des sites, d'abord ça sert pas à grand chose. Alors il y a plusieurs dispositions, mais ce serait trop long, il faudrait y consacrer une émission, donc je vais mentionner seulement une idée à laquelle je tiens beaucoup, qui est toute simple, mais qu'il faut quand même se souvenir, le rôle fondamental, surtout dans notre République, de l'éducation nationale. C'est-à-dire que face à cette révolution sur le marché de l'information, je redis ici à votre micro, je l'ai dit plusieurs fois, qu'il faut une révolution pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte, et ça c'est pas du tout du coup nuisible aux libertés individuelles, que nos enfants apprennent la pensée méthodique, qui est si chère à la science en général, mais qui au-delà de la science, nous apprend à évaluer une information, à ne pas tomber dans ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des illusions mentales, comme quand deux phénomènes arrivent en même temps, ils sont corrélés, ça veut pas forcément dire qu'ils sont liés par un lien de causalité. Faut pas confondre corrélation et causalité. Par exemple, il y a plus de 150 biais cognitifs qui ont été identifiés. Je pense qu'il faut, dans l'état actuel de la psychologie cognitive et de cette identification, il faut que l'éducation nationale tienne compte de cette réalité et insère d'une façon ou d'une autre cette réalité du fonctionnement du cerveau pour que nos plus jeunes concitoyens soient dotés d'une boussole qui indique le nord dans cet océan d'informations. Donc il ne sert à rien de crier, de protester, de s'offusquer, c'est vain. D'ailleurs, je crois que Léon a un texte qui s'appelle l'écrivain, voilà. En trois mots. L'écrivain. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. C'est drôle. Personne à qui pouvoir dire que nous n'avons rien à dire et que le rien que nous nous disons continuellement, nous nous le disons comme si nous ne nous disions rien. Comme si personne ne nous disait, même pas nous, que nous n'avons rien à dire. Personne à qui pouvoir le dire, même pas à nous. Personne à qui pouvoir dire que nous n'avons rien à faire et que nous ne faisons rien d'autre continuellement. Ce qui est une façon de dire que nous ne faisons rien, une façon de ne rien faire et de dire ce que nous faisons. Personne à qui pouvoir dire que nous ne faisons rien, que nous ne faisons que ce que nous disons, c'est-à-dire rien. Gerasim Luka. Merci. Merci Laurent Bonafé. Alors, Gérald Bonheur, souvent on entend dire, ça a été une phrase très souvent prononcée pendant la fausse controverse sur le changement climatique il y a quelques années, la science c'est le doute. À partir du moment où on dit que la science c'est le doute, alors on peut douter de tout ce que disent les scientifiques. Est-ce que là il n'y a pas quelque chose qui vient fragiliser l'autorité du discours scientifique? Oui, mais là aussi c'est une sorte de jeu de mots en fait, sur la polysémie du terme doute. Bien sûr que la science c'est le doute. Sauf que il faut fermement rappeler que si le doute a des droits, il a aussi des devoirs. Et c'est ce qu'oublie un certain nombre d'acteurs sur ce marché de l'information qui prétendent douter de tout, qui réclament sans cesse le droit au doute. Ils ont raison, ils ont le droit au doute, on a le droit de douter de tout, mais à condition de le faire selon les devoirs du doute, c'est-à-dire selon un certain nombre de principes, de méthodes. On peut tout à fait contester une vérité scientifique. Pourquoi pas? D'ailleurs, il n'y aurait plus de science s'il n'y avait pas de contestation interne de la vérité scientifique. C'est ce qui crée la dynamique de la science. Trouver des anomalies dans le programme, je dirais, dominant et essayer de voir si on peut trouver un modèle intellectuel qui embrasse ces anomalies, voire changer le modèle intellectuel si nécessaire. Ça, c'est l'histoire des sciences. Mais on ne le fait pas n'importe comment. En d'autres termes, puisqu'il y a aussi beaucoup de revendications en termes de sciences citoyennes, etc., qui contestent souvent la science orthodoxe. En fait, c'est vrai, la science, c'est peut-être ce qu'il y a de plus démocratique fondamentalement, à condition d'avoir un cerveau qui fonctionne normalement, ce qui est le cas de la plupart d'entre nous. Donc tout le monde a droit de faire de la science, mais on n'en fait pas n'importe comment. Mmh. Est-ce que ce qui se rejoue là, c'est pas finalement un très vieux débat entre les idéalistes et les réalistes ? Très vieux débat en philosophie, c'est-à-dire que les idéalistes comme Trump, qui est un idéaliste, il confond le réel avec sa représentation ou avec ce qu'on peut en dire, par opposition aux réalistes, qui sont les scientifiques dont vous parlez, qui croient à une vérité qui est indépendante de l'observateur ou de la connaissance qu'on en a et qui la cherche grâce à une méthode, grâce à des théories ou des instruments, des expériences. Et il y a des idéalistes qui pensent que le réel se confond avec nos discours sur lui et que le discours le plus vrai est celui qui est le plus partagé finalement. Oui, là évidemment, de ce point de vue, j'ai dit que la science était démocratique dans la mesure où chacun peut faire de la science, on ne fait pas n'importe comment. Mais si on soumet les théories au vote. Mais effectivement, ça pourrait être ambigu. C'est-à-dire que je ne voulais pas dire du tout par là que les vérités scientifiques se décrètent à l'applaudimètre, n'est-ce pas? On ne va pas se mettre à voter pour la valeur de pi ou quelque chose comme ça. Bien entendu. Enfin, l'un de vos collègues avait suggéré un référendum sur le changement climatique. Oui, ben en voilà. En disant, les experts ne sont pas d'accord entre eux, donc l'opinion va trancher. Mais voilà, ça, je pense que c'est un dévoiement évidemment complet. Alors, le pire de tout, c'est que ça pourrait être considéré comme politiquement incorrect. À partir du moment où les gens disent, mais pourquoi on n'aurait pas le droit de décider nous aussi, vous voyez? Alors oui, vous avez le droit de décider à condition d'emprunter les chemins de la méthode, c'est-à-dire de connaître exactement les tenants, les aboutissants et les procédures qui amènent à l'évaluation d'un énoncé. Le problème de tout cela, c'est qu'en réalité, pour parler comme Max Weber, le réel est infini en intention et en extension, disait-il, et c'est une façon de parler, et notre cerveau, notre esprit, il est fini. Donc tout processus de connaissance, c'est vrai, est une forme d'amputation de la réalité. Mais la science a intégré cette humilité, à mon avis, depuis longtemps. La science sont des modèles intellectuels qui essayent de décrire le réel et qui le font selon des méthodes qui permettent d'améliorer ce modèle intellectuel. Alors la confusion entre l'idée que j'ai et le réel, évidemment, est la porte ouverte à toute forme de relativisme. Et alors donc il y a une énorme différence entre le fait d'admettre que tout processus de connaissance est une forme d'amputation de la réalité et d'admettre que du coup, anything goes, comme on disait quelquefois dans les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire, du coup, j'ai le droit de dire n'importe quoi sur le réel. Non, c'est pas du tout ça que propose la science. Gérald Bronner, il y a un aspect dans la modernité dans laquelle nous sommes qui n'a pas encore été évoqué, c'est ce qu'on appelle le big data. Le big data, c'est l'idée que le réel va parler au travers des nombres qui nous sont accessibles et que, en les analysant par des logiciels intelligents, on pourra faire apparaître des corrélations, des lois générales, qu'on aura vite tendance à interpréter comme des lois universelles. C'est-à-dire, on voit des régularités de comportement dans les indices boursiers, dans le comportement des consommateurs, vous l'avez évoqué, ou d'autres choses. Et puis, on va, à partir de cela, tenter de prédire le futur. Ce qui n'est possible que si le futur ressemble au passé. Puisque c'est justement le passé qui sert de réservoir de connaissances. Et dans les médias, il me semble qu'il y a beaucoup d'occasions où des résultats qui montrent des corrélations sont interprétés comme des causalités. Par exemple, récemment, il a été, paraît-il, établi par une étude que les personnes qui boivent des poissons sans sucre ont des probabilités plus élevées après 40 ans de faire des AVC. Et la conclusion qu'en a tirée la presse, c'est que boire ces boissons est dangereux pour la santé. Ce qui n'est pas du tout ce qui a été démontré. Et pour démontrer que c'est vraiment ces boissons qui sont dangereuses pour la santé, il faudra faire un travail énorme, prendre une population de gens qui boivent ces boissons, la séparer en deux moitiés. À une première moitié, on demande de cesser de boire cette boisson et de ne rien changer par ailleurs. Et puis à l'autre moitié, on demande de continuer comme avant. Et puis après, on voit les effets. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette tendance de notre esprit à interpréter toute séquence temporelle, toute suite d'événements comme une conséquence, le premier étant la cause de les événements qui suivent. Oui, là, c'est un biais, cette confusion entre corrélation et causalité, c'est un biais très ancien, aussi ancien que l'humanité. D'ailleurs, aucune théorie magique n'aurait pu naître dans les cultures s'il n'y avait pas cette confusion entre corrélation et causalité. C'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu des grenouilles. Exactement. Exactement. Oui, vous savez, il y a aussi la célèbre comparaison entre les cigognes et les bébés. En fait, c'est vrai, statistiquement, dans une ville, plus il y a de cigognes, plus il y a de bébés. Et j'espère que vous savez que vous êtes au courant de la vraie histoire à propos des bébés. Donc, en réalité, plus il y a de bébés dans une ville, plus il y a de constructions immobilières, parce que évidemment on construit des maisons, et plus il y a de constructions immobilières, plus il y a de surface de toit, plus il y a de surface de toit, plus il y a de possibilités de nidification pour les cigognes. Et donc, est-il possible de faire quelque chose contre ça? Bon, il se trouve que j'ai enseigné un peu les statistiques à l'université et que précisément cette erreur est l'erreur de base par laquelle on commence. On commence toujours son cours de statistique en disant il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Et ce que je peux dire d'expérience, c'est qu'à force de faire des exercices, à force d'expliquer la structure de l'erreur, eh bien, on fait jamais disparaître cette illusion, mais on dote le cerveau d'une capacité à reconnaître les cas de figure où notre intuition peut nous tromper. Et c'est exactement à ça que je faisais référence en parlant de révolution pédagogique. On ne fera pas disparaître les erreurs de raisonnement banales qui traversent l'humanité depuis le début de son histoire, mais en revanche, nous pouvons nous exercer à reconnaître les structures du situation où nous devons nous méfier de notre intuition, qui par ailleurs peut nous rendre bien des services. C'est pas l'intuition en général, mais dans certaines situations, par exemple, quelqu'un qui vous dit « cela est arrivé parce que ça profite à cette personne, donc c'est elle qui a produit l'événement », c'est l'argument du cui prodest, à qui profite le crime, ça peut être vrai dans certains cas, mais il vaut mieux se méfier, parce qu'on aboutit très vite à des théories du complot dans ce cas de figure. Donc quand on apprend à reconnaître des structures de situation type, en termes d'économie mentale, eh bien ça nous épargne d'abord d'aller vers le grand n'importe quoi, et ensuite eh bien on peut mettre de l'énergie, parce que ça coûte de l'énergie, justement, cette réflexion méthodique, eh ben on en met quand ça vaut la peine. Mais si je contexte qu'il s'agit d'un complot, par exemple, on va m'accuser de faire partie du complot. Absolument. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs que je ne crois pas tellement. On peut pas convaincre un esprit qui croit en démontant les arguments qui ont fondé sa croyance. Je l'expliquais tout à l'heure. C'est la théorie de la dissonance cognitive. Ça, c'est utile pour les indécis. C'est peu utile pour le croyant, en tout cas à court terme. Mais en revanche, ce que je crois, c'est qu'il est possible, y compris pour celui qui croit très fort, de progressivement lui montrer les processus intellectuels qui l'ont conduit à sa croyance. Non pas défaire sa croyance, mais qu'il intellectualise ses propres processus intellectuels pour, pourquoi pas, prendre de la distance, que vous savez que je ne crois pas à la déradicalisation, je l'ai dit aussi plusieurs fois, mais par contre, ce qu'on peut observer, c'est de l'auto-déradicalisation, c'est-à-dire faire sa déclaration d'indépendance mentale, mais cette déclaration d'indépendance mentale, elle est possible si je comprends mon propre processus intellectuel. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors, Gérald Bronner, il me semble qu'il y a un philosophe qui a, au XIXe siècle, un petit peu anticipé ce que vous racontez, c'est Nietzsche. Il a écrit dans Humain trop humain un texte assez court qui s'appelle L'avenir de la science. Je vais en lire un tout petit extrait. Il dit ceci. Une civilisation supérieure devra donner un cerveau double à l'homme, quelque chose comme deux compartiments cérébraux, l'un pour être sensible à la science, l'autre à ce qui n'est pas la science. Et il continue en disant, si l'on ne satisfait pas à cette condition de civilisation supérieure, on peut prédire à coup sûr le cours que prendra l'évolution humaine. Le goût du vrai va disparaître au fur et à mesure qu'il garantira moins de plaisir. L'illusion, l'erreur, la chimère vont reconquérir pas à pas parce qu'ils s'y attachent du plaisir le terrain qu'elles tenaient autrefois. La ruine des sciences en sera la conséquence immédiate. L'humanité devra se remettre à tisser sa toile après l'avoir telle Pénélope, alors c'est la première, défaite pendant la nuit, mais qui nous garantira qu'elle en retrouvera toujours la force? Et donc, est-ce que le goût du vrai est en train de disparaître au motif que la vérité est moins consolante que d'autres formes de connaissances, entre guillemets? D'abord, grâce à vous, je me découvre plus nietzschéen que je ne l'aurais cru. Ouais, il a tellement dit de choses qu'on est tous un peu... Oui, voilà, on peut toujours trouver, on peut faire du cherry picking, comme on dit dans son œuvre, et toujours trouver un élément de satisfaction. Mais là, je trouve que c'est effectivement de belles lignes. Je dirais pas que le goût du vrai disparaît. Je dirais que le faux ou le douteux a trouvé la suprême ruse pour se faire passer pour du vrai, n'est-ce pas ? C'est la confusion permanente. En fait, la crédulité se fait aujourd'hui passer pour de l'intelligence. Ce qui introduit d'ailleurs, enfin ce qui rappelle votre excellente introduction au départ, c'est-à-dire le, vous savez que rien n'est plus nocif pour la connaissance que l'impression de savoir. C'est pas l'ignorance qui est problématique pour la connaissance, c'est l'impression de savoir. Et on est dans une, et moi-même qui vous parle, je suis sûr que je crois savoir un certain nombre de choses. Et quand on s'interroge d'ailleurs des collègues, on fait des recherches sur cette question, ça s'appelle le biais de compétence. Quand on s'interroge sur ce que l'on sait vraiment, on demande à des gens, vous croyez que vous savez comment fonctionne par exemple une chasse d'eau, dessinez-moi causalement. On s'aperçoit qu'on sait beaucoup beaucoup moins de choses qu'on l'imaginait. Et c'est d'ailleurs une ressource pour faire diminuer le niveau de croyance. Il suffit, plutôt que d'essayer de contredire un croyant, lui dire, explique-moi un peu mieux. Alors, tu dis qu'il y a un complot, d'accord, mais comment ça se passe exactement? Comment A a créé B, a créé C, etc. Et tout à coup, ça crée un effet de dévoilement qui fait que, dans certains cas, le croyant peut se dire ouais, c'est peut-être pas si sûr que ça, en fait. Mais Jean Bonheur, nous approchons de la fin de cette émission. Le thème du cycle, c'est ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, comme s'il y avait une démarcation très nette entre les deux. Or, il y a des choses dont on ne sait pas qu'on les sait, par exemple, ou d'autres qui sont ambiguës, on n'a pas encore statué à leur sujet. Comment est-ce qu'elles peuvent être traitées? Est-ce que le fait de partager entre ce qui est su, pas cru, vient de ce que notre esprit a besoin de liker, pas liker, de classer les choses dans catégories bien séparées? Qu'est-ce qu'on fait de l'ambigu, de l'ambivalent? Ça c'est quelque chose, l'incertitude, l'ambiguïté, c'est quelque chose que le cerveau humain n'aime pas du tout. Mais pas du tout, du tout. Nous le fuyons toujours. D'ailleurs, même le hasard est un hôte indésirable permanent de la pensée humaine. Nous essayons toujours de chasser le hasard, raison pour laquelle on essaie de prédire l'avenir par les cartes, par les signes astrologiques et que sais-je. Donc effectivement, cette position d'inconfort, elle peut nuire beaucoup et elle est instrumentalisée en quelque sorte sur le marché de l'information parce que précisément, d'une part, ce que l'on sait normalement quand on est sur de la terre ferme est attaqué. Et ce que l'on ne sait pas, ou ce que l'on ne sait pas encore, qui donne lieu à des éléments d'incertitude, peut être instrumentalisé pour nourrir toute forme de crédulité. C'est pas à vous que je vais apprendre, par exemple, que la physique quantique et que sais-je est sans cesse instrumentalisée par les pseudosciences pour faire dire tout et n'importe quoi à des zones d'incertitude. C'est la célèbre sphère de Pascal dont il faut se souvenir. C'est-à-dire que si la connaissance est une sphère, elle est en contact avec ce que l'on ne sait pas. Par conséquent, plus cette sphère grandit, plus la surface avec ce que l'on ne sait pas grandit aussi, c'est-à-dire la conscience de ce qu'on ne sait pas. Donc il y a des questions sans réponse. Et pour finir, j'ai une anagramme qui servira à vos prochaines enquêtes, Gérald Bonheur. Quel est l'anagramme de questions sans réponse? Vous allez me le dire. Enquêtons sans espoir. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Michel Gassic et Hervé Dubreuil, et à la réalisation François Connac. Tout de suite, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.